Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Ici, c'est un bijou, une bague, une broche façonnée dans un morceau d'aluminium. Là, c'est un coupe-papier en cuivre. Ici, c'est un briquet fabriqué à partir d'une balle de fusil. Là, c'est un obus sculpté destiné à trôner sur la cheminée après la guerre. Souvent, quelques mots sont gravés. Verdun, 1916, souvenir du front. L'artisanat des tranchées, celui que les poilus pratiquaient pour passer le temps pendant la guerre 14-18, nous étonne toujours, parce qu'il est porteur d'émotions, oui, il vient du front, et parce qu'il reflète le savoir-faire, la belle maîtrise technique de ceux qui combattaient, de ceux qui cherchaient, entre deux assauts, à occuper le temps. Aujourd'hui, le temps a passé et l'obus sculpté est toujours sur la cheminée à prendre la poussière, ou alors il se trouve dans le grenier, voire dans un vide-grenier, parfois au musée, ce qui est mieux. Mais le temps qui passe n'efface pas complètement la douleur, le traumatisme. Il transforme les souvenirs tout autant que la manière d'appréhender le moment guerrier qui, lui, ne disparaît pas vraiment. Pour aller droit au but, avons-nous fait le deuil de la Grande Guerre ? Cette semaine dans le cours de l'histoire, témoigné de son temps par ses écrits intimes, par sa correspondance, par son journal intime aussi, et puis par tous ces petits objets produits par des écrivains. Le journal des Goncourt nous a intéressés, les infréquentables frères Goncourt, par des correspondances, celles des femmes du XVIIIe siècle, dont Madame Roland, et puis par tout ce qu'ont produit les soldats pendant la guerre et également ce qu'ont pu produire les civils, tout ce qui reflète un moment. Oui, en quoi ces documents nous parlent de l'ère du temps, de l'esprit d'un moment. Des émissions à réécouter sur le site franceculture.fr ou bien en podcast, la balade aux diffusions. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, pour nous parler du moment guerrier, des petits sujets sur la violence du fait guerrier, nous recevons Stéphane Audouin-Rouzeau. Bonjour. Bonjour. Merci vivement d'être avec nous. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre. C'est à Péronne. Stéphane Audouin-Rouzeau, ben justement, évoquons l'historial de la Grande Guerre. Les réserves sont pleines, en fait, de tout ce qu'on pourrait appeler les artefacts de la guerre, de tous ces objets, de tout ce qu'ont pu produire les soldats que l'on retrouve en masse. J'évoquais les vide-greniers, mais nos propres greniers peuvent receler encore ces petits objets. Oui, bien sûr. Le musée a vocation à réunir d'abord des objets. Un musée, c'est d'abord des objets en trois dimensions. Et c'est évidemment très important pour un visiteur, mais c'est très important pour un historien aussi. Une image de l'objet n'est pas l'objet. Un objet, ça se tient dans les mains, ça s'apprécie de manière tactile, de manière sensible. Et les réserves d'un musée comme l'histoire de la Grande Guerre de Péronne, plusieurs milliers évidemment d'objets, ces réserves sont une série en quelque sorte de sources matérielles, très matérielles, extraordinairement stimulantes pour un historien. J'ai toujours un énorme plaisir à y entrer, à regarder, à sortir un objet, à m'interroger à son sujet. Les objets m'ont plus appris, je crois, que les livres. Oui, parce que l'historien peut utiliser évidemment l'objet comme un document, et malgré tout, on ne peut pas se départir de l'émotion que provoquent ces objets eux-mêmes. Déjà, nous sommes étonnés par leur variété, puis par la qualité de réalisation, et puis se dire, oui, voilà, c'est le combattant qui l'a produit dans des conditions souvent particulières. Oui, c'est caractéristique de la Grande Guerre. Les combattants ont toujours créé des objets, ne serait-ce que pour créer une canne pour marcher. Et c'est un réflexe de soldat qui ne date pas de la Grande Guerre. Mais la Grande Guerre, en créant des fronts fixes et une situation interminable, d'ennui suffocant, pour des hommes qui souvent étaient des manuels, qui étaient des paysans, des artisans avec des savoir-faire manuels considérables et qui donc avaient une impression terrifiante de perdre leur temps. Eh bien, créer des objets, c'était au fond renouer avec des formes d'identité. Alors ces objets, vous avez raison, ils sont porteurs d'une émotion puissante et cette émotion, elle n'est pas d'obstacle à la connaissance historique. Elle est au contraire, à mon sens, un vecteur de connaissance. Elle est un accès à ce qui s'est joué pour les acteurs sociaux dans le temps où ils vivaient la guerre. Stéphane Audouin-Rouzeau, vous faites paraître un ouvrage intitulé « C'est la guerre, petit sujet sur la violence du fait guerrier ». C'est aux éditions du Félin. Nous allons faire un exercice peut-être un peu scolaire, mais bon, comme nous gardons tous un bon souvenir de notre passage à l'école, nous allons décomposer le titre de votre ouvrage parce que il est intéressant, il contient énormément d'informations. Déjà, « C'est la guerre », donc le titre de l'ouvrage. « C'est la guerre », c'est un titre lourd de sens. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, j'ai utilisé en fait le titre d'une série de gravures de guerre gravées par l'artiste Félix Vallotton, qui dans un premier temps est tétanisé par l'entrée en guerre et puis se remet en 15 au travail et produit une série de 6 gravures magnifiques. Donc, et il les intitule « C'est la guerre » avec un point d'exclamation. J'ai enlevé le point d'exclamation. Et je me suis dit, c'est la guerre. Ce qui est bien dans ce titre extrêmement simple, c'est qu'il donne la guerre comme une forme d'évidence. C'est la guerre. Voilà, elle est là. Elle est là, un peu comme, par exemple, la pandémie que nous avons vécue est là. Voilà, d'un seul coup, c'est le confinement. Voilà, c'est là. On est entré dans un temps différent. C'est cette idée d'un temps différent dans lequel, évidemment, tout est modifié hein, pour les acteurs sociaux, hein, les civils, les soldats, les enfants. Et c'est ça au fond l'idée, bon, évidemment c'est un petit peu obscur comme titre, donc il y a un sous-titre, petit sujet sur la violence du fait guerrier entre le 19e et le 21e siècle qui explicite ce que j'ai voulu faire. Oui, parce que là nous touchons à ce qu'on appelle l'historiographie et la démarche historique elle-même, l'histoire de l'histoire, mais petit sujet est très intéressant parce que cela rattache votre démarche, Stéphane Audouin-Rouzeau, à toute une réflexion. On pourrait parler de micro-histoire quand l'historien se penche sur le détail. Vous avez en plus, vous l'avez rappelé, une chronologie large hein, de la guerre de 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale. En quoi ces petits sujets sont intéressants pour comprendre le fait guerrier ? Alors, le fait guerrier, je crois, c'est un événement d'une ampleur telle qu'il est très difficile à saisir. Je parle du fait guerrier, je parle en particulier des deux conflits mondiaux, par exemple. Et donc, deux solutions à ce moment-là pour le saisir. Soit on se met à très grande distance de lui, on se met à grande hauteur, comme un avion, si vous voulez, à 10 000 pieds. Vous voyez. C'est un peu ce que fait Raymond Aron, par exemple, quand il parle de la Grande Guerre, hein, quand il parle de la guerre en général. Il se met à grande distance hein, et donc il peut englober le sujet largement. C'est une démarche que j'approuve, hein, mais que je ne peux pas, moi, mener. Moi, à cette grande distance, je ne vois rien. Enfin, j'ai l'impression, plus exactement, de ne rien voir. Et donc, je me suis rendu compte, puisque ce livre est une série, en fait, de contributions qui sont réunies ici, de manière organisée, que c'est plutôt à travers l'échelle micro, comme vous le disiez, et souvent ultra-micro, micro-micro, si je puis dire, que j'ai le mieux vu, ou aperçu, ou tenté de voir ce qui pouvait se jouer dans l'activité guerrière. Je préfère d'ailleurs ce mot « activité guerrière » que « guerre », pour donner une connotation plus anthropologique au sujet. Donc à partir d'un minuscule document, un objet, une lettre, un livre, une image, au fond, j'ai l'impression, avec une toute petite serrure, de grandes portes s'ouvrent. Et c'est ça, au fond, qui m'a guidé dans ce livre, c'est l'aspect minuscule des points de départ pour tenter hein, de créer des effets de connaissance beaucoup plus larges que le point de départ initial. Sinon, bien sûr, ça ne vaudrait pas la peine. C'est la guerre, petit sujet sur la violence du fait guerrier. Stéphane Audouin-Rouzeau, c'est votre livre aux éditions du Félin. Et vous l'avez dit, ce sont des contributions, une lecture extrêmement agréable, surtout qu'on nous apprend plein de choses. Et puis, nous touchons à ce que nous connaissons, parce que cela fait partie de notre univers alors familial, où nous le voyons quand nous nous intéressons à l'histoire. Il reste plein de ces traces. Je vous propose d'écouter un témoignage, celui de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, l'écrivain, qui, avant d'être la vedette des dictées, s'est penché sur le fait guerrier, on ne disait pas comme ça à ce moment-là, mais sur la guerre. Maurice Genevoix, qui évoque le besoin qu'ont eu les combattants de la Grande Guerre de rendre compte de ce qu'ils vivaient. C'est dans l'émission Les Sources, le 21 juin 1978. Dans la vie des hommes de ma génération, il est arrivé un événement majeur qui était la guerre de 1914. Et alors là, j'ai constaté ce besoin de témoigner chez les plus frus, chez tout le monde. Il n'y avait pas un soldat qui n'ait dans son sac un carnet sur lequel il notait ses impressions, parce qu'il avait le sentiment de vivre des événements hors série, exceptionnels, monstrueux, et tout de suite ça éveillait chez eux le désir de les perpétuer, quoi, de laisser un témoignage. D'ailleurs, la plupart y ont renoncé, moi-même d'ailleurs, je dois dire, que la vie quotidienne à ce moment-là, elle était très exigeante. Et je me suis contenté à la fin, même en vue de ce témoignage, en me disant si j'ai la chance d'en venir, je reprendrai ça. Mais j'avais des petits repères, c'est tout, j'avais plus le temps. Seulement j'enregistrais. Témoignage de Maurice Genevoix en 1978 sur tous ces objets créés par les combattants. Stéphane Audouin-Rouzeau, nous pourrions faire un focus, si vous voulez bien, un focus sur un de ces objets. Dans votre ouvrage « C'est la guerre », vous parlez d'une canne. Vous pouvez nous la présenter, cette canne ? Ah oui, c'est un objet pour lequel, fort heureusement, il y a un cahier de photos, parce que sinon le chapitre serait absolument incompréhensible. C'est la canne de tranchée d'un soldat paysan qui s'appelait Claude Burlou, et qui, en 1917, sculpte dans un bois de houx, de grains très fins. C'était un fils de sabotier, donc il savait certainement travailler le bois à la pointe du couteau. Eh bien, sculpte une canne, et cette canne est une véritable réflexion sur la guerre. Une réflexion qui commence au sommet. Le pommeau est occupé par les chefs d'État des États belligérants, mais il ajoute le pape aussi en surplomb, très intéressant et très significatif. Et puis il déroule, la canne se déroule, c'est comme une canne de marche. Il avait pu en voir des modèles puisqu'il se trouve dans les Vosges. Et la canne se déroule jusqu'en bas. Elle raconte d'abord les raisons de combattre. Il y a par exemple une Jeanne d'Arc républicaine qui déroule le drapeau français, marqué « Pour toi, m'a-t-on dit, je dois verser mon sang, pour toi, la patrie, bien sûr ». Ensuite, on descend et il y a un soldat qui rentre, à qui une Alsacienne offre un bouquet de fleurs. Tout ça, ce sont des minuscules figurines, vous voyez, sculptées dans le bois, quelques centimètres uniquement. Le talent de sculpteur, dans cet objet d'art brut, le talent de sculpteur est absolument inouï compte tenu des conditions du travail. Et puis, à la fin, eh bien, on voit les généraux. On a Joffre d'un côté, on a Hindenburg de l'autre, et à la fin seulement son nom, à l'endroit où la canne entre dans le sol, s'appuie, rentre dans la boue éventuellement, donc Claude Burlou avec son régiment, sa compagnie, lui-même donc en quelque sorte en situation tout à fait dominée, tout à fait en bas, dominée par les événements qu'il raconte, qu'il illustre disons, et dominée par les chefs d'État qui sont tout à fait en haut. C'est une vision presque clausewitzienne de la guerre, on pourrait dire. C'est-à-dire, au fond, la guerre comme événement politique dans lequel l'individu, le simple soldat comme lui, est pris comme on est pris dans une vague, évidemment, qu'on ne peut pas maîtriser. L'historien que vous êtes, Stéphane Audouin-Rouzeau, peut décrypter l'objet. L'objet tel qu'une canne, cette canne que vous nous présentez, réalisée par un poilu, en fait, permet de tirer les ficelles pour décrypter tout un temps. C'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur France Culture. Comment témoigner de son temps par la petite chose, l'objet, l'intime. Là, nous évoquons cette canne. Et à partir de là, nous avons toute une réflexion, en fait, sur la vision que peut avoir le soldat lui-même sur l'ensemble des événements. C'est souvent ce qui manque, en fait, à l'historien, surtout sur des périodes très compliquées comme une guerre. Le regard, vous le disiez, est souvent porté par le haut, là où il y a les sources, en fait, les discours, et rarement par le bas. Pour la Première Guerre mondiale, malgré tout, nous bénéficions énormément de documents, de lettres. Vous arrivez à croiser, en fait, tous ces documents. Les soldats en parlent de leur production d'objets. Oui, tout ceci est cohérent. Il y a évidemment des registres différents d'expression entre un journal intime, une correspondance avec ses parents, correspondance avec son épouse, c'est pas la même chose. Un objet sculpté, c'est encore autre chose. Une photographie prise au fond, c'est encore quelque chose d'autre. Mais au fond, il y a une cohérence globale de tout ce qu'on appelle aujourd'hui ces égaux documents, ces documents donc sur soi et de soi. Les soldats, globalement, disent plus ou moins la même chose. Disent plus ou moins toujours la même chose. Il y a la patrie qui très souvent est là, il y a les camarades, il y a la conscience qu'ils ont d'être immergés dans un événement immense. Claude Burlou, sur cette canne dont je parlais un instant, écrit aussi, il écrit sur la guerre, il la décrit comme ceci, il dit « carnage européen et mondial ». Un carnage européen et mondial. Il a une conscience parfaite, ce simple paysan a une conscience parfaite de ce qui se joue, en quelque sorte, devant lui et avec lui. Donc, tout ceci peut être effectivement croisés, à condition de respecter, bien sûr, la spécificité de chaque source. Ce n'est pas la même chose de sculpter une canne et d'écrire un journal intime, même s'il peut y avoir des éléments de journal intime dans une simple canne sculptée par un soldat. Nous évoquons la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rouzeau, et vous nous expliquez, c'est très clair qu'il y a une cohérence entre tous ces documents, mais votre ouvrage « C'est la guerre, petit sujet sur la violence du fait guerrier » a une chronologie beaucoup plus large que simplement la Première Guerre mondiale. Vous évoquez la guerre de 1870, guerre essentielle. Est-ce que cette cohérence est perceptible dans les différents conflits ? Alors oui, il me semble qu'on retrouve cette cohérence. Au fond, chaque conflit a une sorte de, on pourrait dire, une sorte d'écosystème, en termes de système de représentation. Et voilà, il suffit de, si vous me donnez une lettre anonymisée et sans date d'un soldat, je vois immédiatement si c'est un soldat de la guerre de 70 ou si c'est un soldat de la guerre de 14. On le voit immédiatement. C'est évident, il y a un style. Il y a un style qui est lié au moment, qui est lié au temps de la guerre. Le temps de la guerre est un temps spécifique. Le temps de 1870, ce n'est pas le même que le temps de 14-18, pas du tout le même que le temps de 39-45. Et c'est ce temps qui crée une homogénéité dans les productions, toutes les productions des acteurs, les soldats, les civils, les enfants. Et c'est au fond cette homogénéité qui permet de s'y retrouver. Ça ne veut pas dire que les gens disent la même chose, ça ne veut pas dire que les gens soient forcément d'accord entre eux, pas du tout. Mais au fond, ils sont tous pris dans le même temps, c'est la même temporalité, le même temps vécu, le même temps subjectif face à l'événement, et ça se reconnaît immédiatement. Ça se reconnaît immédiatement, avec comme des évidences, quand nous parlons du moment de la guerre, c'est la perte, c'est la mort, et ce moment-là est quelque chose que l'on va retrouver sans cesse avec l'annonce de la mort, la nouvelle qui est une douleur. Je vous propose d'écouter une lecture par Camille André, une lecture d'un texte magnifique et très émouvant, un texte de la poétesse Jeanne Catulle-Mendès, donc l'épouse du poète Catulle-Mendès, qui perd en 1917 son plus jeune fils et qui écrit autour de cette triste expérience la prière sur l'enfant mort. Je ne conçois pas que mon enfant est mort. Je le vois vivant. Je vois toutes ses expressions, tous ses mouvements, sa façon d'incliner un peu la tête avec un demi-sourire, son habitude d'approcher son visage tout près du mien. Je le sens, je l'entends. Il est présent, il est contre moi. Il est mort. Mes deux fils, Marcel et Raymond, sont près de moi avec leurs yeux rougis, leur tendresse. Je sanglote sur leurs mains. Maman, maman, c'est tout ce qu'ils peuvent dire, mes pauvres bien-aimés. Mais dans leur chère voix douloureuse, j'entends la voix du plus petit qui ne dira plus jamais maman. Je l'ai adoré, je l'ai adoré, sa beauté. Il n'y avait que moi pour la connaître tout entière. Quand je serai morte, personne ne saura plus les secrets de sa perfection. Toi, tu n'es pas vainqueur. Tu es un mort. Quelle fête pour toi. Tu ne sens pas plus les ailes de la victoire au fronton de ta tombe que mes larmes sur ton seuil. Pourquoi es-tu mort? Quelle vérité égale ta mort? Quelle vérité est aussi belle que toi, mort pour la France. Qu'est-ce que cela veut dire ? Prière sur l'enfant mort, lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire par Camille André, Stéphane Audouin-Rouzeau. Que vous évoque un texte comme celui-ci, un texte écrit après la Première Guerre mondiale, mais qui évoque la perte d'un enfant pendant cette guerre ? Alors oui, c'est un des plus beaux textes que je connaisse, ce texte de Jeanne Catulle-Mendès. Au début des années 20, elle écrit ce livre, La prière sur l'enfant mort, qui a été publié à compte d'auteur, un très petit nombre d'exemplaires, et qui est en fait un monument aux morts, un monument aux morts de papier, un monument aux morts donc à son fils qui s'appelait Primis, un nom typiquement parnassien. Donc Catulle-Mendès était le chef de file du mouvement parnassien. Et elle écrit ce texte bouleversant, qui est donc un récit de deuil. C'est très difficile d'avoir parfois des récits de deuil. Elle a écrit un long récit de deuil et puis ensuite un récit de l'enfance de ce jeune homme qui s'est engagé comme volontaire à l'âge de 17 ans avec, et elle le regrette beaucoup bien sûr, avec l'autorisation de sa mère puisque son père était décédé à l'époque de la Grande Guerre. Et donc c'est un cri, c'est un appel qui montre la profondeur de la douleur des contemporains. Parce que la mort à la guerre, bien sûr, inverse l'ordre de succession des générations. C'est les jeunes qui meurent en premier, ils meurent de mort violente, ils meurent au loin, ils meurent sans qu'on puisse évidemment accompagner leur mort. Ça, c'est un traumatisme extrêmement profond. Et ce texte de Jeanne Catulle-Mendès donc, est beaucoup plus qu'un texte. C'est beaucoup plus qu'un texte, c'est un objet. Ce livre est un objet. D'ailleurs, il y a sur la couverture du livre des avertissements qui préviennent le lecteur de ne pas forcément ouvrir ce livre s'il ne croit pas au livre saint, dit la mère. Et donc, c'est un objet sacral. Et c'est comme ça qu'il faut le lire et non pas, bien sûr, comme un livre ordinaire. Il faut le lire comme un livre hors du commun, pas comme un livre ordinaire, ce livre de Jeanne Catulle-Mendès, avec quand même cette idée que ici nous avons quelqu'un qui est apte à exprimer d'une manière particulière cette souffrance. Ce n'est qu'un document, on va le dire, parmi les millions de morts de la Première Guerre mondiale, mais malgré tout, il peut refléter l'ensemble de ces douleurs. Stéphane Audouin-Rouzeau, comment traiter ce sentiment? Vous êtes l'auteur d'ouvrages sur cette question de deuil, ouvrage publié en 2003, 5 deuils de guerre. Il y a cette réflexion sur le deuil, comment généraliser autour d'une douleur si particulière, si individuelle, par un document, parce que l'accumulation de documents ne donne pas grand-chose en fait. Quelle démarche peut-on adopter pour essayer de comprendre cette douleur? Évidemment, c'est un des problèmes les plus difficiles que vous posez, puisque il y a un déséquilibre toujours considérable en termes d'égo-documents entre ceux qui sont capables de les écrire pour des raisons culturelles et sociales, et puis ceux qui, pour lesquels l'écrit n'est pas le mode d'expression normal. Et c'est ainsi que nous échappent effectivement les sentiments. La douleur de la plupart, en fait, de la plupart. Moi, je pense en particulier pour les Français, cette France paysanne qui représentait à cette époque la grande majorité de la population de l'époque. Alors, c'est le premier problème. Mais ce problème, je crois, doit être surmonté. Est-ce qu'il y a mille manières pour une mère, comme Jeanne Catulle-Mendès, par exemple, est-ce qu'il y a mille manières de perdre un enfant à la guerre? Est-ce que l'on pourrait supposer que, voilà, parce qu'ils ne disent rien, les paysannes qui perdent un enfant au front ont souffert moins ou très différemment d'une grande bourgeoise parisienne comme Jeanne Catulle-Mendès. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a évidemment des modalités différentes du deuil, des expressions différentes, mais je serais assez partisan de dire, de penser et donc de dire qu'il y a au fond une seule manière de souffrir. En tout cas, il y a certains seuils de souffrance qui probablement unifient une femme, une mère comme Jeanne Catulle-Mendès et une paysanne de la Lozère. On peut bien sûr me contester, me dire que je rabats de manière abusive au fond un deuil d'une femme de l'élite sociale vers les classes populaires. Mais je ne pense pas que les affects soient si différents, si discriminés en fonction de l'origine sociale et culturelle. Ce sentiment partagé est l'une des spécificités aussi de la violence du fait guerrier. Tout le monde vit la même chose. Stéphane Audouin-Rouzeau, quand vous étudiez, alors c'est la guerre, mais la guerre, pas seulement la Première Guerre mondiale, sur une vision beaucoup plus longue de la guerre, il y a une unité autour de la souffrance. C'est aussi une des spécificités, en fait, de ces moments très particuliers quand il y a la guerre. Oui, c'est l'unité du temps. Les acteurs sociaux qui d'habitude sont dans des temps différents, bien sûr, parce que dans une société complexe, bien d'un seul coup sont unis dans le même temps, parce que il y a l'événement jette au fond les acteurs qui dans leur rôle social évidemment différencié entre les soldats, les femmes à l'arrière, les enfants, chacun évidemment à une place différente, mais l'événement lui-même surplombe. La guerre, c'est comme une main d'acier hein, qui saisit les acteurs sociaux et dont ils ne peuvent pas se sortir. Et après tout, nous venons de vivre une expérience récente qui nous montre un petit peu cela. Le confinement, qui peut être présenté comme une forme de temps de guerre, nous a saisis tous, hein, tous en même temps, sans qu'on puisse y échapper, et nous a fait ressentir des choses qui pouvaient être parfois extrêmement proches d'une personne à l'autre, d'un acteur social à un autre. Eh bien, la guerre, c'est comme cela. C'est au fond un cadre dont les acteurs peuvent très difficilement s'échapper. Hein, même si, comme certains, ils ont cherché à y échapper, même quand ils ont cherché à le refuser, le cadre continue d'une manière ou d'une autre de s'imposer à eux. Et c'est ce va-et-vient constant, en fait, entre l'intime et le national, pour le dire oui, avec un mot très large, qui est intéressant, en fait. Absolument. La nation s'impose. La nation s'impose. Et elle s'impose absolument, y compris à ceux qui pensaient en être affranchis. Tous ces pacifistes en 14 qui découvrent que leur pacifisme faux était totalement superficiel et qui s'engagent en quelques heures pour leur nation. Oui, c'est ce moment, en fait, puisque vous tissez des comparaisons, Stéphane Audouin-Rouzeau, que nous vivons encore aujourd'hui. Vous parliez du confinement comme moment guerrier. Enfin, ça, c'est plutôt le président Macron qui a fait la comparaison. Oui, mais je ne dis pas que la pandémie est une guerre. Je me suis opposé à cette idée. Mais enfin, ce qu'il y a eu quelque chose comme une temporalité guerrière, oui, ça, c'est vrai. Et cette temporalité guerrière relie encore une fois le national à l'intime. Chacun confiné chez soi et dans l'intimité, mais dans un mouvement complètement national. Stéphane Audouin-Rouzeau, puisque nous parlons de guerre, puisque nous parlons de ces petites choses qui nous viennent de la guerre, comme l'artisanat ou alors les lettres, les correspondances intimes, je vous propose d'écouter un autre vecteur de la mémoire, de la manière de parler de la guerre, c'est la chanson. Et la chanson se propage à une vitesse folle, elle est sublime, même si elle n'est pas bien vue par les autorités. Voici la chanson de Craon dans le cours de l'histoire, chantée par Rosalie Dubois. Quand au bout de 8 jours, de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau. Sacrifiés, c'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La chanson de Craon par Rosalie Dubois dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laure-Hélène Planchet avec aujourd'hui à la technique Inès de Bruyne, le cours de l'histoire qui s'intéresse aux petites choses, aux témoignages, comment raconter une période, un temps à partir de l'intime. Et avec vous Stéphane Audouin-Rouzeau, nous évoquons le moment très particulier de la guerre. Le témoignage de guerre en tant qu'historien est difficile à appréhender parce qu'il est bien souvent déformé par la mémoire, mais vous allez me dire, comme toujours en histoire, par la mémoire qui est difficile cette fois-ci à circonscrire entre le témoin et la propagande. Il y a tout un travail de discours officiel qui s'impose sur cette mémoire. C'est là où la petite chose est intéressante. Elle fait une brèche, elle permet à l'historien de toucher à ce qu'il y a de plus sensible. Oui, c'est évident. Là, ce sont les. Il y a plusieurs biais, évidemment, avec les objets dont vous parlez. Personnellement, j'ai un goût particulier pour les objets qui ont été réalisés, objets au sens le plus fort, au sens étymologique du terme. Objet, ça vient du mot objectum en latin, c'est-à-dire jeter devant, jeter en travers. Et l'objet, c'est quelque chose qui est jeté en travers de la route d'un historien en particulier. Et donc j'ai un goût particulier pour les objets faits sur le champ, faits sur le moment, qu'il s'agisse d'un carnet personnel, d'une lettre, d'un objet sculpté, c'est ça. Mais néanmoins, il y a d'autres objets, c'est les objets élaborés après coup. L'après coup, bien sûr, déforme. Mais il informe également, comme l'avait dit, je crois, Dorgelès de manière très intéressante. C'est pas sur le moment que j'ai vu le mieux ce qui s'était joué pendant la guerre. Il y a des choses qui me sont apparues beaucoup plus tard. Et effectivement, cette déformation était éventuellement une réinformation des éléments qui vous avaient échappé dans un premier temps. Monte à la conscience donc après un délai de maturation, et donc il faut savoir également écouter ce qui a été dit très longtemps après, ce qui a été déformé par le souvenir, mais également éventuellement informé par lui. Et ça, c'est tout ce jeu au fond, ce jeu entre l'immédiat et l'après coup, et parfois le long après coup. C'est ce jeu auquel doit savoir jouer, finalement, jouer entre guillemets, auquel doit savoir jouer un historien du fait guerrier. Avec des subtilités, une difficulté sur le fait guerrier, tant il est traumatisant, il a pour la mémoire des effets particuliers dans C'est la guerre. Petit sujet sur la violence du fait guerrier, votre ouvrage, Stéphane Audouin-Rouzeau, vous faites intervenir Norbert Elias. Norbert Elias qui explique la façon dont il a oublié les événements auxquels il a assisté. Alors Norbert Elias, personnage essentiel, vous nous le présentez, Stéphane Audouin-Rouzeau, déjà pour dire à quel point Norbert Elias, pour l'historien, l'historienne, est une pensée très riche pour comprendre le passé. Ah, évidemment, c'est difficile de présenter en un mot un des plus grands esprits peut-être du XXe siècle. Donc Norbert Elias, formation philosophique en Allemagne tout d'abord, très jeune soldat de la Grande Guerre, juif, obligé de s'exiler à partir de la période nazie, très très longue période ensuite extrêmement difficile, notamment en Angleterre, et qui avant 1939, juste avant l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, au fond publie dans Le Procès de civilisation, publie un livre qu'on trouve en deux volumes en France, qui n'a été traduit en français que dans les années 1970, un livre donc sur le processus de civilisation, qui est vraiment une théorie de l'évolution des sociétés occidentales, avec la réduction, au fond, cette idée d'une réduction séculaire de la violence, de la brutalité, par une maîtrise croissante des affects dans les sociétés européennes depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. C'est une des théories sociales extraordinairement intéressantes, extraordinairement fécondes, qui me paraît personnellement erronée, mais qui néanmoins est extrêmement intéressante. Et Elias, effectivement, a eu a vécu, a traversé une Première Guerre mondiale, dont il a, en grande partie, semble-t-il, perdu le souvenir. Et évidemment, cette perte est en soi un renseignement considérable. Je vous propose, Stéphane Audouin-Rousseau, d'écouter un extrait du témoignage de Norbert Elias sur la guerre, une lecture par Daniel Koenigsberg. Les choses n'ont jamais été aussi terribles pour moi. J'ai probablement eu un choc, mais je suis incapable de vous dire autre chose à ce sujet pour le moment. Je garde un souvenir très précis du trajet vers le front, les carcasses de chevaux, quelques cadavres de soldats et l'abri de la tranchée. Et j'ai l'impression d'avoir subi une sorte de choc important, mais là, ma mémoire me fait défaut. Je ne sais même plus comment je suis revenu. Le peu de choses que je viens de vous dire, j'ai dû les déterrer très lentement. On dirait vraiment qu'un rideau est tombé sur toutes ces choses. J'ai oublié ce que je ressentais à cette époque. Oui, c'est étrange. Mes sentiments et mes pensées d'alors se sont transformés en taches blanches. Daniel Koenigsberg qui nous lisait le témoignage de Norbert Elias sur la façon dont Norbert Elias a oublié les événements auxquels il a assisté. Ce qui est très intéressant hein, avec un penseur qui est témoin de la Première Guerre mondiale, qui est témoin de la violence du fait guerrier parce qu'il voit la montée des fascistes et qui en fait un travail sur lui-même. Nous évoquons dans le cours de l'histoire ces objets produits par des hommes, par des femmes. Il y a de l'ego dans ces objets, il y a même un peu de leur corps, et l'historien lui-même met un peu du sien. Norbert Elias parle de lui. Même vous, Stéphane Audouin-Rousseau, vous êtes héritier par le fait de cette histoire-là. Il y a toujours de l'ego, en fait, quand on étudie le fait guerrier. Ah, évidemment, cet ego, il faut savoir le reconnaître en soi. Il ne s'agit pas de se mettre à distance de l'événement, voilà, comme si on étudiait un objet froid ou que soi-même on était un esprit froid. C'est tout à fait l'inverse. Nous touchons encore aujourd'hui, dans la France du début du XXIe siècle, nous continuons à toucher à la Grande Guerre. Pour quelqu'un de ma génération, ce sont mes grands-parents, donc c'est pas si loin. Nous continuons à toucher, par exemple, à ce moment de la Grande Guerre. On touche encore de plus près à des événements guerriers plus récents. Et la trace de ces événements, qu'on le veuille ou non, à mon sens, continue de nous traverser. L'événement continue de nous traverser à notre insu. Et je suis persuadé, en ce qui me concerne, que la Grande Guerre en France n'est pas complètement terminée. Si elle était complètement terminée, le président de la République n'aurait pas pensé à y faire tellement référence hein, dans ses discours de début du confinement. Sa présence reste forte, c'est un référent fondamental. Pourquoi ? Parce que elle signifie encore quelque chose à l'intérieur des familles. On continue régulièrement, je reçois des lettres me disant, me parlant de la guerre de tel ou tel grand-père, de tel ou tel grand-oncle, et des traces hein, que cette traversée de l'événement a laissées jusqu'à nos jours. Vous avez utilisé ce mot « trace » Stéphane Audouin-Rousseau, qui est essentiel, et la trace familiale fait écho aussi à une trace laissée dans la société. Vous dites en fait que nous n'avons pas encore fait le deuil de la Grande Guerre. Oui, je veux dire par là que, bon, je voudrais pas trop psychiatriser, si vous voulez, ou psychologiser les choses, mais le deuil de guerre est un deuil de longue durée, des deuils compliqués, et on sait que ce type de deuil s'inscrit dans la durée, hein, qu'il y a des deuils non terminés, comme on dit, hein, non résolus, hein, des deuils qui continuent, au fond, dont la cicatrice continue de blesser les descendants, hein, la deuxième, la troisième génération. Hein. Et je crois que pour la Grande Guerre en particulier, il y a un phénomène de troisième génération, hein, très très marqué. C'est la mienne, la troisième génération. C'est celle qui pose des questions que la seconde souvent n'a pas osé poser hein, à ceux qui avaient vécu, donc à la première personne, hein, l'événement guerrier. Et donc c'est en ça que le deuil n'est pas terminé. il continue au fond de, c'est un événement qui continue de travailler, si l'on peut dire, dans les familles, d'insister au sein des familles françaises en particulier, mais c'est également le cas des familles britanniques. Quand, le cas allemand est différent, parce qu'évidemment le nazisme, la Deuxième Guerre mondiale est venu recouper, si vous voulez, et en grande partie détruire la trace longue du conflit précédent, la trace longue du premier conflit mondial. Et puis dans le fait guerrier, il y a quelque chose d'universel, de compréhensible par tout le monde, c'est la souffrance, c'est la mort. Je vous propose d'écouter un témoignage émouvant, il date du 11 novembre 1975, c'est dans l'émission L'Histoire en personne, une émission consacrée à Clémenceau, le témoignage des Gueules Cassées qui faisait partie de la délégation des Gueules Cassées qui était présente lors de la signature du traité de Versailles en 1919. Georges Clémenceau signa le traité de Sonceau où figurait la chouette, symbole de la sagesse. Et vous, monsieur, vous étiez là ce jour-là, n'est-ce pas ? Nous étions plusieurs camarades invités à venir, gueule cassée, à la signature du traité de Versailles. Et aujourd'hui, avec mes camarades vivants et d'autres qui sont morts depuis, renouvelés, le symbole et la mémoire de Georges Clémenceau, ancien ministre, qu'on appelait le Tigre. Et il a toujours dit, les gueules cassées comme les autres mutilés, ils ont des droits sur nous. Nous venons le remercier encore de ce qu'il a tout fait pour les mutilés et pour le pays. Témoignage d'un soldat, d'un poilu, d'une gueule cassée, comme on dit, en 1975, qui se souvenait dans les lieux mêmes à Versailles, donc de la signature du traité de Versailles en 1919, quand Clémenceau avait voulu que les gueules cassées soient présents. Un mot seulement, peut-être, pour dire qu'effectivement, il y avait une délégation de 5 gueules cassées que Clémenceau avait fait placer là comme un reproche vivant à l'Allemagne, les délégués allemands étant obligés de passer devant eux et de leur tourner le dos pour signer sur la table le traité dans la Galerie des Glaces. Et ces 5 faciaux, comme on disait, ces 5 blessés de la face qui avaient passé des années à l'hôpital, qui étaient encore à l'hôpital au moment du traité de Versailles, incarnaient au fond la catastrophe de la guerre, et une catastrophe qui à l'époque est bien sûr entièrement rabattue en quelque sorte du côté de la responsabilité allemande. Dans votre ouvrage « Chez la guerre, petit sujet sur la violence du fait guerrier », Stéphane Douin-Rousseau, effectivement, vous faites intervenir ces gueules cassées lors du traité de Versailles. Les gueules cassées sont déjà un sujet en soi qui permettent d'expliquer la violence du fait guerrier, mais leur présence à Versailles au moment de la signature du traité en ajoute. Et puis l'archive que nous venons d'entendre de 1975, bien plus tard, montre toujours cette présence en fait de la guerre tout au long du siècle. Oui, bien sûr. N'oublions pas que dans les années 70, il y avait encore beaucoup de vétérans de la Grande Guerre vivants qui témoignaient, qui étaient ne serait-ce que par leur présence au sein des familles. Et donc le souvenir de la Grande Guerre a été porté longtemps dans les sociétés européennes par les vétérans, par la présence physique des vétérans du premier conflit mondial. Les vétérans du premier conflit mondial ne sont plus là. Enfin, il n'y a plus les témoins, les combattants. Il reste les monuments. Le dernier poilu s'est éteint en France, si mes souvenirs sont bons, en 2008. C'était Lazare Ponticelli et c'était le dernier au monde également. Et il n'y a plus ensuite de vétérans de la Grande Guerre, donc vivant dans quelques pays, que ce soit parmi les anciens belligérants. Si, il reste les monuments aux morts, il reste dans nos villes des noms, des traces, il reste les musées. Évidemment, vous êtes là, Stéphane Audouin-Rousseau, et je cite l'historial de Péronne. Mais dans le monde politique, dans les discours portés, dans la société, vous constatez toujours cette présence de la guerre, mais une présence obligatoirement qui se transforme. Comment vivez-vous les discussions qu'il y a autour de tout ce qu'on pourrait fêter, commémorer autour de la Grande Guerre ? Alors, j'ai une relation un peu ambiguë avec la commémoration. À la fois, j'y participe comme historien, un historien aussi finalement commémore, qu'il le veuille ou non, sortir un livre sur la Grande Guerre, c'est la commémorer d'une manière ou d'une autre. C'est ajouter un élément mémoriel, même si cet élément se veut historique, réflexif, scientifique. Disons que le centenaire de la Grande Guerre par lequel nous sommes passés, hein, qui s'est terminé en 2019, hein, qui a duré, qui s'est ouvert en 2013 et qui s'est terminé en 2019, ce centenaire a été un moment de très grande intensité commémorative. À certains moments, j'ai vraiment communié dans cette commémoration. À d'autres moments, je veux dire, j'étais parfois un peu agacé, hein, par le surcroît, en quelque sorte, par le surplus, hein, de commémoration, par son instrumentalisation politique, pourtant évidemment inévitable. Je dois dire que pour moi, la plus belle commémoration à laquelle j'ai assisté n'est pas française. Elle est britannique et elle a eu lieu sur le champ de bataille de la Somme, à Thiepval, le 1er juillet 2016. Jamais auparavant et jamais plus, non plus dans l'avenir, je n'ai assisté à une cérémonie d'une telle dignité et d'une telle beauté. Stéphane Audouin-Rousseau, qu'avait de particulier la cérémonie qui vous a tant ému? Eh bien, c'est très simple et ça rejoint ce que nous disons à l'instant. Il n'y avait aucun discours des politiques. Les politiques étaient présents, le président de la République français, David Cameron, le premier ministre britannique, bien entendu, mais personne n'avait le droit, en quelque sorte, de dégager les enjeux contemporains. La parole était aux soldats. Les politiques n'avaient pour tâche, quand ils ont eu la parole, que de lire, hein, un témoignage de soldats. Rien d'autre. Et puis il y avait par ailleurs donc des chanteurs, des lecteurs de lettres, c'est-à-dire des acteurs qui lisaient ces textes combattants ou ces compositions musicales combattantes admirables. Et donc la cérémonie était entièrement au service de ceux qui avaient vécu le conflit et qui en avaient laissé justement une trace écrite, une trace musicale ou un témoignage d'un autre ordre. Et donc la cérémonie avait de ce fait une spécificité considérable, hein. Elle laissait la parole aux acteurs sociaux, hein, au lieu de la prendre à leur place. À quoi s'ajoutait bien sûr la dimension religieuse, hein, que permet évidemment le système britannique et que ne permet pas la laïcité française et qui donnait, hein, dans cette sorte d'extraordinaire théâtre qu'est l'Arc de Triomphe de Thiepval sur la Somme, qui donnait à cette cérémonie une dimension de sacralité évidemment très particulière. J'ai un très bon souvenir aussi, mais pour l'avoir vu à la télévision, cette cérémonie. Stéphane Audouin-Rousseau, vous évoquez la participation du discours politique dans les cérémonies qui n'est pas toujours pour le meilleur. Et pourtant, vous notez, quand vous étudiez la violence du fait guerrier, qu'il ressurgit parfois dans notre monde comme transmis en fait par des pratiques de génération en génération. C'est le cas lors des attentats, par exemple. Oui, lors des attentats de 2015 en particulier, mais c'est également le cas lors de la grande crise de pandémie que nous sommes encore d'ailleurs en train de vivre. Tout un vocabulaire qui date de la Première Guerre mondiale est immédiatement mobilisable et mobilisé. Je pense en particulier au terme d'union sacrée. Le mot est prononcé dans ces cas-là, prononcé par les autorités politiques au plus haut niveau de l'État. Et c'est un terme qui veut dire que voilà, il s'agit de suspendre le combat politique, de suspendre toute polémique et de se tourner en quelque sorte de manière unanime vers le péril au fond qui menace la nation. C'est ce terme qui vient du président Poincaré le 4 août 1914 lors de son message aux chambres. Cette trouvaille, littéralement cette trouvaille sémantique, il n'y a pas d'autre mot, eh bien cette trouvaille sémantique reste agissante aujourd'hui. Elle reste agissante aujourd'hui, non pas contre un ennemi extérieur qui a violé les frontières, mais contre une vague d'attentats terroristes, contre un virus qui menace donc les équilibres sociaux et qui menace la population de manière, elle, tout à fait biologique. Eh bien, ce vocabulaire reste agissant. Et il est quand même assez surprenant qu'il reste agissant plus d'un siècle après. Hein, et ce sont là des références qui continue d'être à notre main et qui s'impose en quelque sorte à nous. Et pour comprendre ces références qui s'imposent à nous, Stéphane Audouin Rousseau, il y a votre ouvrage aux éditions du Félin, « C'est la guerre, petit sujet sur la violence du fait guerrier » aux éditions du Félin. Merci beaucoup à vous pour cette analyse qui nous conduit dans l'intime, dans la petite chose et qui nous fait comprendre en fait notre histoire. Mais là, aujourd'hui, tous les échos de ce passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Justement, pour terminer cette émission, allez, comme une archive de fin, je vous propose un témoignage, celui de Blaise Sandrard, l'auteur, le poète. Blaise Sandrard qui, en novembre 1950, dans l'émission Entretien avec, évoquait son impossibilité d'écrire et de combattre en même temps. Vous avez dit que, contrairement à beaucoup de gens qui tiennent une plume, vous n'avez pas fait la guerre pour écrire ou pour décrire, mais à ce moment-là, vous étiez un soldat qui te... J'étais un soldat. C'est pourquoi je ne fais pas partie, aujourd'hui, je ne fais pas encore partie des écrivains combattants. Ou on est combattant ou on est écrivain. Quand on écrit, on ne combat pas à coups de fusil. Oui. Et quand on tire les coups de fusil, on n'écrit pas. Alors on écrit après coup. On aurait même eu fait d'écrire avant et d'empêcher tout cet horrible... Oui, c'est ce que vous avez dit à propos d'Apollinaire. Moi, ce qui m'épate, c'est d'avoir qu'Apollinaire, par exemple, et il y en a eu d'autres, ont réussi à faire des gentilles petites poésies, dans le vrai sens du mot, de gentilles petites poésies, avec des rimes au bout qui sont bien, puis des petits paysages, des gentilles petites choses. Blaise Sandrard, en novembre 1950, qui nous disait qu'il n'arrivait pas à écrire et combattre en même temps. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade. Une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien à podcaster, c'est la balado-diffusion des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire où vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Puis vous pouvez suivre également l'actualité de ces émissions. Demain, nous partons à la rencontre d'une jeune fille. Une jeune fille qui était au lycée pendant la Seconde Guerre mondiale. Une jeune fille qui était brillante, Louise Pikowski. Une jeune fille qui a été déportée parce que juive. Oubliée ? Non, pas tout à fait. Ses lettres ont été retrouvées, perdues au fond d'une armoire de ce lycée. Elles ont été retrouvées il y a quelques années et à partir de ces quelques documents, tout un destin a été reconstitué. Oui, demain, nous avons rendez-vous avec Louise Pikowski. À demain.